Section 22. Itinéraire, quatrième partie, suite. Celui-ci s'appelait Arsenios, de la ville de Césarée, en Cappadoce. Il était métropolitain de Scythopolie et procureur patriarcal de Jérusalem. Il m'écrivit lui-même son nom et ses titres en caractère syriaque sur un petit billet que j'ai encore. Je ne trouvais point chez lui l'air de souffrance et d'oppression que j'avais remarqué chez les malheureux Grecs, esclaves, partout. Le couvent arménien est agréable, l'église charmante et d'une propreté rare. Le patriarche, qui ressemblait à un riche turc, était enveloppé dans des robes de soie et assis sur des coussins. Je bus d'excellents cafés de mocha, on m'apporta des confitures, de l'eau fraîche, des serviettes blanches, on brûla du bois d'aloès, et je fus parfumé d'essence de rose, au point de m'en trouver incommodé. Arsenios me parla des Turcs avec mépris. Il m'assura que l'Asie entière attendait l'arrivée des Français, que s'il paraissait un seul soldat de ma nation dans son pays, le soulèvement serait général. On ne saurait croire à quel point les esprits fermentent dans l'Orient. J'ai vu Ali Aga se fâcher à Jéricho contre un arabe qui se moquait de lui, et qui lui disait que si l'empereur avait voulu prendre Jérusalem, il y serait entré aussi aisément qu'un chameau dans un champ de doura. Les peuples de l'Orient sont beaucoup plus familiarisés que nous avec les idées d'invasion. Ils ont vu passer tous les hommes qui ont changé la face de la terre, Sésostris, Cyrus, Alexandre, Mahomet et le dernier conquérant de l'Europe. Accoutumés à suivre les destinées d'un maître, ils n'ont point de loi qui les attache à des idées d'ordre et de modération politique. Tuer, quand on est le plus fort, leur semble un droit légitime. Ils s'y soumettent ou l'exercent avec la même indifférence. Ils appartiennent essentiellement à l'épée. Ils aiment tous les prodiges qu'elle opère. Le glaive est pour eux la baguette d'un génie qui élève et détruit les empires. La liberté, ils l'ignorent. Les propriétés, ils n'en ont point. La force est leur dieu. Quand ils sont longtemps sans voir paraître ces conquérants exécuteurs des hautes justices du ciel, ils ont l'air de soldats sans chef, de citoyens sans législateur et d'une famille sans père. Mes deux visites durèrent à peu près une heure. De là, j'entrai dans l'église du Saint-Sépulcre. Le Turc qui en ouvre les portes avait été prévenu de se tenir prêt à me recevoir. Je payai de nouveau à Mahomet le droit d'adorer Jésus-Christ. J'étudiai une seconde fois et plus à loisir les monuments de cette vénérable église. Je montai dans la galerie où je rencontrai le moine copte et l'évêque abyssin. Ils sont très pauvres et leur simplicité rappelle les beaux temps de l'Évangile. Ces prêtres, demi-sauvages, le teint brûlé par les feux du tropique, portant pour seule marque de leur dignité une robe de toile bleue et n'ayant point d'autre abri que le Saint-Sépulcre, me touchèrent bien plus que le chef des papas grecs et le patriarche arménien. Je défierais l'imagination la moins religieuse de n'être pas émue à cette rencontre de tant de peuples au tombeau de Jésus-Christ, à ces prières prononcées dans 100 langages divers, au lieu même où les apôtres reçurent du Saint-Esprit le don de parler toutes les langues de la terre. Je sortis à 1 heure du Saint-Sépulcre et nous rentrâmes au couvent. Les soldats du pacha avaient envahi l'hospice, ainsi que je l'ai déjà raconté, et ils y vivaient à discrétion. En retournant à ma cellule et traversant le corridor avec le drogman Michel, je rencontrai 2 jeunes spahis armés de pied en cap et faisant un bruit étrange. Il est vrai qu'ils n'étaient pas bien redoutables, car, à la honte de Mahomet, ils étaient ivres à tomber. Aussitôt qu'ils m'aperçurent, ils me fermèrent le passage en jetant de grands éclats de rire. Je m'arrêtai pour attendre la fin de ces jeux. Jusque-là, il n'y avait point de mal. Mais bientôt, un de ces tartares, passant derrière moi, me prit la tête, me la courba de force, tandis que son camarade, baissant le collet de mon habit, me frappait le cou avec le dos de son sabre nu. Le drogman se mit à beugler. Je me débarrassai des mains des spahis. Je sautai à la gorge de celui qui m'avait saisi par la tête. D'une main lui arrachant la barbe et de l'autre l'étranglant contre le mur, je le fis devenir noir comme mon chapeau. Après quoi je le lâchai, lui ayant rendu jeu pour jeu et insulte pour insulte. L'autre spahi, chargé de vin et étourdi de mon action, ne songea point à venger la plus grande avanie que l'on puisse faire à un Turc, celle de le prendre par la barbe. Je me retirai dans ma chambre et je me préparai à tout événement. Le père gardien n'était pas trop fâché que j'eusse un peu corrigé ses persécuteurs, mais il craignait quelque catastrophe. Un Turc humilié n'est jamais dangereux, et nous n'entendîmes parler de rien. Je dînai à 2 heures, et je sortis à 3 avec ma petite troupe accoutumée. Je visitai les sépulcres des rois. De là, faisant à pied le tour de la ville, je m'arrêtai au tombeau d'Absalom, de Josaphat et de Zacharie, dans la vallée de Josaphat. J'ai dit que les sépulcres des rois étaient en dehors de la porte d'Éphraïm, vers le nord, à 3 ou 4 portées de fusil de la grotte de Jérémie. Parlons des monuments de Jérusalem. J'en distingue de 6 espèces. Premièrement, les monuments purement hébreux. Deuxièmement, les monuments grecs et romains du temps des païens. Troisièmement, les monuments grecs et romains sous le christianisme. Quatrièmement, les monuments arabes ou mauresques. Cinquièmement, les monuments gothiques sous les rois français. Sixièmement, les monuments turcs. Venons au premier. On ne voit plus aucune trace de ceci à Jérusalem, si ce n'est à la piscine probatique, car je mets les sépulcres des rois et les tombeaux d'Absalom, de Josaphat et de Zacharie au nombre des monuments grecs et romains exécutés par les Juifs. Il est difficile de se faire une idée nette du premier et même du second temple, d'après ce qu'en dit l'Écriture et d'après la description de Joseph. Mais on entrevoit 2 choses. Les Juifs avaient le goût du sombre et du grand dans leurs édifices, comme les Égyptiens. Ils aimaient les petits détails et les ornements recherchés, soit dans les gravures des pierres, soit dans les ornements en bois, en bronze ou en or. Le temple de Salomon ayant été détruit par les Syriens, le second temple, rebâti par Hérode l'Ascalonite, rentra dans l'ordre de ses ouvrages, moitié juif, moitié grec, dont je vais bientôt parler. Il ne nous reste donc rien de l'architecture primitive des Juifs à Jérusalem, hors la piscine probatique. On la voit encore près de la porte Saint-Étienne, et elle bornait le temple au septentrion. C'est un réservoir long de 150 pieds et large de 40. L'excavation de ce réservoir est soutenue par des murs, et ces murs sont ainsi composés. Un lit de grosses pierres jointes ensemble par des crampons de fer, une maçonnerie mêlée, appliquée sur ces grosses pierres, une couche de caillouetage collée sur cette maçonnerie, un enduit répandu sur ce caillouetage. Les 4 lits sont perpendiculaires au sol et non pas horizontaux. L'enduit était du côté de l'eau et les grosses pierres s'appuyaient et s'appuient encore contre la terre. Cette piscine est maintenant desséchée et à demi comblée. Il y croît quelques grenadiers et une espèce de tamarin sauvage dont la verdure est bleuâtre. L'angle de l'ouest est tout rempli de nopals. On remarque aussi dans ce côté occidental 2 arcades qui donnent naissance à 2 voûtes. C'était peut-être un aqueduc qui conduisait l'eau dans l'intérieur du temple. Joseph appelle cette piscine Stagnum Salomanis. L'Évangile la nomme probatique parce qu'on y purifiait les brebis destinées au sacrifice. Ce fut au bord de cette piscine que Jésus-Christ dit au paralytique « Levez-vous et emportez votre lit ». Voilà tout ce qui reste aujourd'hui de la Jérusalem de David et de Salomon. Les monuments de la Jérusalem grecque et romaine sont plus nombreux et forment une classe nouvelle et fort singulière dans les arts. Je commence par les tombeaux de la vallée de Josaphat et de la vallée de Siloé. Quand on a passé le pont du torrent de Cédron, on trouve au pied du mons Ophensionis le sépulcre d'Absalom. C'est une masse carrée, mesurant 8 pas sur chaque face. Elle est formée d'une seule roche, laquelle roche a été taillée dans la montagne voisine, dont elle n'est séparée que de 15 pieds. L'ornement de ce sépulcre consiste en 24 colonnes d'ordre dorique, sans cannelure, 6 sur chaque front du monument. Ces colonnes sont à demi engagées et forment partie intégrante du bloc ayant été prise dans l'épaisseur de la masse. Sur les chapiteaux règne la frise avec le triglyphe. Au-dessus de cette frise s'élève un socle qui porte une pyramide triangulaire trop élevée pour la hauteur totale du tombeau. Cette pyramide est d'un autre morceau que le corps du monument. Le sépulcre de Zacharie ressemble beaucoup à celui-ci. Il est taillé dans le roc de la même manière et se termine en une pointe un peu recourbée, comme le bonnet phrygien ou comme un monument chinois. Le sépulcre de Josaphat est une grotte dont la porte, d'un assez bon goût, fait le principal ornement. Enfin, le sépulcre où se cacha l'apôtre Saint-Jacques présente sur la vallée de Siloé un portique agréable. Les quatre colonnes qui composent ce portique ne posent point sur le sol, mais elles sont placées à une certaine hauteur dans le rocher, ainsi que la colonnade du Louvre sur le premier étage du palais. La tradition, comme on le voit, assigne des noms à ces tombeaux, Arculf, dans Adamanus, De Locis Sanctis, livre 1, chapitre 10, Villal Pandus, Antiquae Jerusalem Descriptio, Adriconius, Sententia de loco sepulcri Absalon, Quares Mius, tome 2, chapitre 4 et 5, et plusieurs autres, ont ou parlé de ces noms ou épuisé sur ce sujet la critique de l'histoire. Mais quand la tradition ne serait pas ici démentie par les faits, l'architecture de ces monuments prouverait que leur origine ne remonte pas à la première antiquité judaïque. S'il fallait absolument fixer l'époque où ces mausolées ont été construits, je la placerai vers le temps de l'alliance des Juifs et des Lacédémoniens, sous les premiers Maccabées. Le dorique dominait encore dans la Grèce. Le corinthien n'envahit l'architecture qu'un demi-siècle après, lorsque les Romains commencèrent à s'étendre dans le Péloponnèse et dans l'Asie. Mais, en naturalisant à Jérusalem l'architecture de Corinthe et d'Athènes, les Juifs y mêlèrent les formes de leur propre style. Les sépulcres de la vallée de Josaphat, et surtout les tombeaux dont je vais bientôt parler, offrent l'alliance visible du goût de l'Égypte et du goût de la Grèce. Il résulta de cette alliance une sorte de monuments indécis qui forment pour ainsi dire le passage entre les pyramides et le Parthénon, monuments où l'on distingue un génie sombre, hardi, gigantesque, et une imagination riante, sage et modérée. On va voir un bel exemple de cette vérité dans les sépulcres des rois. En sortant de Jérusalem par la porte d'Éphraïm, on marche pendant un demi-mille sur le plateau d'un rocher rougeâtre, où croisent quelques oliviers. On rencontre ensuite, au milieu d'un champ, une excavation assez semblable aux travaux abandonnés d'une ancienne carrière. Un chemin large et en pente douce vous conduit au fond de cette excavation, où l'on entre par une arcade. On se trouve alors au milieu d'une salle découverte, taillée dans le roc. Cette salle à 30 pieds de long sur 30 pieds de large, et les parois du rocher peuvent avoir 12 à 15 pieds d'élévation. Au centre de la muraille du Midi, vous apercevez une grande porte carrée, d'ordre dorique, creusée de plusieurs pieds de profondeur dans le roc. Une frise un peu capricieuse, mais d'une délicatesse exquise, est sculptée au-dessus de la porte. C'est d'abord un triglyphe, suivi d'une métope ornée d'un simple anneau. Ensuite vient une grappe de raisin entre deux couronnes et deux palmes. Le triglyphe se représente et la ligne se reproduisait sans doute de la même manière le long du rocher, mais elle est actuellement effacée. À 18 pouces de cette frise règne un feuillage entremêlé de pommes de pin et d'un autre fruit que je n'ai pu reconnaître mais qui ressemble à un petit citron d'Égypte. Cette dernière décoration suivait parallèlement la frise et descendait ensuite perpendiculairement le long des deux côtés de la porte. Dans l'enfoncement et dans l'angle à gauche de cette grande porte s'ouvre un canal où l'on marchait autrefois debout, mais où l'on se glisse aujourd'hui en rampant. Il aboutit par une pente assez roide, ainsi que dans la grande pyramide, à une chambre carrée creusée dans le roc avec le marteau et le ciseau. Des trous de 6 pieds de long sur 3 pieds de large sont pratiqués dans les murailles, ou plutôt dans les parois de cette chambre, pour y placer des cercueils. 3 portes voûtées conduisent de cette première chambre dans 7 autres demeures sépulcrales d'inégale grandeur, toutes formées dans le roc vif, et dont il est difficile de comprendre le dessin, surtout à la lueur des flambeaux. Une de ces grottes, plus basse que les autres, et où l'on descend par 6 degrés, semble avoir enfermé les principaux cercueils. Ceux-ci étaient généralement disposés de la manière suivante. Le plus considérable était au fond de la grotte, en face de la porte d'entrée, dans la niche ou dans l'étui qu'on lui avait préparé. Des 2 côtés de la porte, 2 petites voûtes étaient réservées pour les morts les moins illustres, et comme pour les gardes de ces rois qui n'avaient plus besoin de leur secours. Les cercueils, dont on ne voit que les fragments, étaient de pierre et ornés d'élégantes arabesques. Ce qu'on admire le plus dans ces tombeaux, ce sont les portes des chambres sépulcrales. Elles sont de la même pierre que la grotte, ainsi que les gonds et les pivots sur lesquels elles tournent. Presque tous les voyageurs ont cru qu'elles avaient été taillées dans le roc même. Mais cela est visiblement impossible, comme le prouve très bien le père Nao. Thévenoud assure qu'en grattant un peu la poussière, on aperçoit la jointure des pierres qui ont été mises après que les portes ont été posées avec leurs pivots dans les trous. J'ai cependant gratté la poussière et je n'ai point vu ces marques en bas de la seule porte qui reste debout. Toutes les autres sont brisées et jetées en dedans des grottes. En entrant dans ces palais de la mort, je fus tenté de les prendre pour des bains d'architecture romaine, tels que ceux de l'antre de la Sibylle, près du lac Averne. Je ne parle ici que de l'effet général, pour me faire comprendre, car je savais très bien que j'étais dans des tombeaux. Arculf Apud Adaman, qui les a décrits avec une grande exactitude, sepulcra sunt in naturali colis rupe, etc., avait vu des ossements dans les cercueils. Plusieurs siècles après, Villamon y trouva pareillement des cendres qu'on y cherche vainement aujourd'hui. Ce monument souterrain était annoncé au dehors par trois pyramides, dont une existait encore du temps de Villapandus. Je ne sais ce qu'il faut croire de Zuela et d'Apart, qui décrivent des ouvrages extérieurs et des péristyles. Une question s'élève sur ces sépulcres, nommés sépulcres des rois. De quel roi s'agit-il ? D'après un passage des Paralipomènes et d'après quelques autres endroits de l'écriture, on voit que les tombeaux des rois de Juda étaient dans la ville de Jérusalem. Dormit quae acas cum patribus suis et spelierunt eum incivitate Jérusalem. David avait son sépulcre sur la montagne de Sion. D'ailleurs, le ciseau grec se fait reconnaître dans les ornements des sépulcres des rois. Joseph, auquel il faut avoir recours, cite trois mausolées fameux. Le premier était le tombeau des Maccabées, élevé par Simon, leur frère. Il était, dit Joseph, de marbre blanc et poli, si élevé qu'on le peut voir de fort loin. Il y a tout alentour des voûtes en forme de portique, dont chacune des colonnes qui le soutiennent est d'une seule pierre. Et pour marquer ces sept personnes, il y ajouta sept pyramides d'une très grande hauteur et d'une merveilleuse beauté. Le premier livre des Maccabées donne à peu près les mêmes détails sur ce tombeau. Il ajoute qu'on l'avait construit à Modine et qu'on le voyait en naviguant sur la mer. Ad omnibus navigantibus mare. Modine était une ville bâtie près de Diospolis, sur une montagne de la tribu de Juda. Du temps de Zeb et même du temps de saint Jérôme, le monument des Maccabées existait encore. Les sépulcres des rois à la porte de Jérusalem, malgré leurs sept chambres funèbres et les pyramides qui les couronnaient, ne peuvent donc avoir appartenu au prince Asmonéen. Joseph nous apprend ensuite qu'Hélène, reine d'Adiabène, avait fait élever à deux stades de Jérusalem trois pyramides funèbres et que ses os et ceux de son fils, Isate, y furent renfermés par les soins de Manabaz. Le même historien, dans un autre ouvrage, en traçant les limites de la cité sainte, dit que les murs passaient au septentrion, vis-à-vis le sépulcre d'Hélène. Tout cela convient parfaitement au sépulcre des rois, qui, selon Villapandus, était orné de trois pyramides, et qui se trouvent encore au nord de Jérusalem, à la distance marquée par Joseph. Saint Jérôme parle aussi de ce sépulcre. Les savants, qui se sont occupés du monument que j'examine, ont laissé échapper un passage curieux de Pausanias. Il est vrai qu'on ne pense guère à Pausanias à propos de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, voici le passage. La version latine et le texte de Gédoïne sont fidèles. Le second tombeau était à Jérusalem. C'était la sépulture d'une femme juive nommée Hélène. La porte du tombeau, qui était de marbre comme tout le reste, s'ouvrait d'elle-même à certains jours de l'année et à certaines heures par le moyen d'une machine et se refermait peu de temps après. En tout autre temps, si vous aviez voulu l'ouvrir, vous l'auriez plutôt rompu. Cette porte qui s'ouvrait et se refermait d'elle-même par une machine semblerait, à la merveille près, rappeler les portes extraordinaires des sépulcres des rois. Suidas et Étienne de Byzance parlent d'un voyage de Phénicie et de Syrie publié par Pausanias. Si nous avions cet ouvrage, nous y aurions sans doute trouvé de grands éclaircissements sur le sujet que nous traitons. Les passages réunis de l'historien juif et du voyageur grec sembleraient donc prouver assez bien que les sépulcres des rois ne sont que le tombeau d'Hélène, mais on est arrêté dans cette conjecture par la connaissance d'un troisième monument. Joseph parle de certaines grottes qu'il nomme les cavernes royales, selon la traduction littérale d'Arnaud d'Andilly. Malheureusement, il n'en fait point la description, il les place au septentrion de la ville sainte, tout auprès du tombeau d'Hélène. Reste donc à savoir quel fut le prince qui fit creuser ces cavernes de la mort, comment elles étaient ornées et de quel roi elles gardaient les cendres. Joseph, qui compte avec tant de soin les ouvrages entrepris ou achevés par Hérode le Grand, ne met point les sépulcres des rois au nombre de ses ouvrages. Il nous apprend même qu'Hérode, étant mort à Jéricho, fut enterré avec une grande magnificence à Hérodium. Ainsi, les cavernes royales ne sont point le lieu de la sépulture de ce prince, mais un mot échappé ailleurs à l'historien pourrait répandre quelques lumières sur cette discussion. En parlant du mur que Titus fit élever pour serrer de plus près Jérusalem, Joseph dit que ce mur, revenant vers la région boréale, renfermait le sépulcre d'Hérode. C'est la position des cavernes royales. Celles-ci auraient donc porté également le nom de cavernes royales et de sépulcre d'Hérode. Dans ce cas, cet Hérode ne serait point Hérode l'Ascalonite, mais Hérode le Tétrarque. Ce dernier prince était presque aussi magnifique que son père. Il avait fait bâtir deux villes, Séphoris et Tibériade. Et quoiqu'il fût exilé à Lyon par Caligula, il pouvait très bien s'être préparé un cercueil dans sa patrie. Philippe, son frère, lui avait donné le modèle de ces édifices funèbres. Nous ne savons rien des monuments dont Agrippa embellit Jérusalem. Voilà ce que j'ai pu trouver de plus satisfaisant sur cette question. J'ai cru devoir la traiter à fond parce qu'elle a jusqu'ici été plutôt embrouillée qu'éclaircie par les critiques. Les anciens pèlerins, qui avaient vu le sépulcre d'Hélène, l'ont confondu avec les cavernes royales. Les voyageurs modernes, qui n'ont point retrouvé le tombeau de la reine d'Adiadène, ont donné le nom de ce tombeau aux sépultures des princes de la maison d'Hérode. Il est résulté de tous ces rapports une étrange confusion. Confusion augmentée par l'érudition des écrivains pieux qui ont voulu ensevelir les rois de Juda dans les grottes royales et qui n'ont pas manqué d'autorité. La critique de l'art ainsi que les faits historiques nous obligent à ranger les sépulcres des rois dans la classe des monuments grecs à Jérusalem. Ces sépulcres étaient très nombreux et la postérité d'Hérode finit assez vite, de sorte que plusieurs cercueils auraient attendu vainement leur maître. Il ne manquait plus pour connaître toute la vanité de notre nature que de voir les tombeaux d'hommes qui ne sont pas nés. Rien, au reste, ne forme un contraste plus singulier que la frise charmante sculptée par le ciseau de la Grèce sur la porte de ces chambres formidables où reposaient les cendres des Hérodes. Les idées les plus tragiques s'attachent à la mémoire de ces princes. Ils ne nous sont bien connus que par le meurtre de Marianne, le massacre des innocents, la mort de saint Jean-Baptiste et la condamnation de Jésus-Christ. On ne s'attend donc point à trouver leur tombeau embelli de guirlandes légères, au milieu du site effrayant de Jérusalem, non loin du temple où Jéhovah rendait ses terribles oracles, et près de la grotte où Jérémie composa ses lamentations. M. Cassas a très bien représenté ces monuments dans son voyage pittoresque de la Syrie. Je ne connais point l'ouvrage plus récent de M. Mayer. La plupart des voyages en Terre Sainte sont accompagnés de gravures et de vignettes. Il faut distinguer celle de la relation du père Roger, qui pourrait bien être de Claude Mélan. Les autres édifices des temps romains à Jérusalem, tels que le théâtre et l'amphithéâtre, les tours Antonia, Hippicos, Phasael et Psephina, n'existent plus, ou du moins on n'en connaît que des ruines informes. Nous passons maintenant à la troisième sorte des monuments de Jérusalem, aux monuments du christianisme avant l'invasion des Sarrasins. Je n'en ai plus rien à dire puisque je les ai décrits en rendant compte des saints lieux. Je ferai seulement une remarque. Comme ces monuments doivent leur origine à des chrétiens qui n'étaient pas juifs, ils ne conservent rien du caractère demi-égyptien, demi-grec que j'ai observé dans les ouvrages des princes asmonéens et des Hérodes. ce sont de simples églises grecques du temps de la décadence de l'art. La quatrième espèce de monument à Jérusalem est celle des monuments qui appartiennent au temps de la prise de cette ville par le calife Omar, successeur d'Abou Bekr et chef de la race des Omiyades. Les Arabes, qui avaient suivi les étendards du calife, s'emparèrent de l'Égypte. De là, s'avançant le long des côtes de l'Afrique, ils passèrent en Espagne et remplirent de palais enchantés Grenade et Cordoue. C'est donc au règne d'Omar qu'il faut faire remonter l'origine de cette architecture arabe dont l'Alhambra est le chef-d'œuvre, comme le Parthénon est le miracle du génie de la Grèce. La mosquée du Temple, commencée à Jérusalem par Omar, agrandie par Abdelmalek et rebâtie sur un nouveau plan par El-Houlid, est un monument très curieux pour l'histoire de l'art chez les Arabes. On ne sait point encore d'après quel modèle furent élevées ces demeures des fées dont l'Espagne nous offre les ruines. On me saura peut-être gré de dire quelques mots sur un sujet si neuf et jusqu'à présent si peu étudié. Le premier temple de Salomon ayant été renversé 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, il fut relevé après les 70 ans de la captivité par Josué, fils de Josédé, et Zorobabel, fils de Salathiel. Hérode l'Ascalonite rebâtit en entier ce second temple. Il y employa 11 000 ouvriers pendant 9 ans. Les travaux en furent prodigieux, et ils ne furent achevés que longtemps après la mort d'Hérode. Les Juifs, ayant comblé des précipices et coupé le sommet d'une montagne, firent enfin cette vaste esplanade où s'élevait le temple à l'orient de Jérusalem sur les vallées de Siloé et de Josaphat. 40 jours après sa naissance, Jésus-Christ fut présenté dans ce second temple. La Vierge y fut purifiée. À 12 ans, le Fils de l'homme y enseigna les docteurs, il en chassa les marchands. Il y fut inutilement tenté par le démon, il y remit les péchés à la femme adultère. Il y proposa la parabole du bon pasteur, celle des 2 enfants, celle des vignerons et celle du banquet nuptial. Ce fut dans ce même temple qu'il entra au milieu des palmes et des branches d'olivier le jour de la fête des rameaux. Enfin, il y prononça le « Redite quae sunt caesari, caesari, et quae sunt dei deo ». Il y fit l'éloge du denier de la veuve. Titus ayant pris Jérusalem la 2e année du règne de Vespasien, il ne resta pas pierre sur pierre du temple où Jésus-Christ avait fait tant de choses glorieuses et dont il avait prédit la ruine. Lorsque Omar s'empara de Jérusalem, il paraît que l'espace du temple, à l'exception d'une très petite partie, avait été abandonné par les chrétiens. Saïd ben Batrik, historien arabe, raconte que le calife s'adressa au patriarche Sophronius et lui demanda quel serait le lieu le plus propre de Jérusalem pour y bâtir une mosquée. Sophronius le conduisit sur les ruines du temple de Salomon. Omar, satisfait d'établir sa mosquée dans une enceinte si fameuse, fit déblayer les terres et découvrir une grande roche où Dieu avait dû parler à Jacob. La mosquée nouvelle prit le nom de cette roche, Gameat el Sacra, et devint pour les musulmans presque aussi sacrée que les mosquées de la Mecque et de Médine. Le calife Abdelmalek en augmenta les bâtiments et renferma la roche dans l'enceinte des murailles. Son successeur, le calife El-Houlid, embellit encore El-Sacra et la couvrit d'un dôme de cuivre doré, dépouille d'une église de Baalbek. Dans la suite, les croisés convertirent le temple de Mahomet en un sanctuaire de Jésus-Christ. Et lorsque Saladin reprit Jérusalem, il rendit ce temple à sa destination primitive. Mais quelle est l'architecture de cette mosquée, type ou modèle primitif de l'élégante architecture des morts? C'est ce qu'il est très difficile de dire. Les Arabes, par une suite de leurs mœurs despotiques et jalouses, ont réservé les décorations pour l'intérieur de leurs monuments. Il y a peine de mort contre tout chrétien qui non seulement entrerait dans Gameat el Sacra, mais qui mettrait seulement le pied dans le parvis qui l'environne. Quel dommage que l'ambassadeur Dehay, par un vain scrupule diplomatique, ait refusé de voir cette mosquée où les Turcs lui proposaient de l'introduire. J'en vais décrire l'extérieur. On voit la grande place de la mosquée, autrefois la place du temple, par une fenêtre de la maison de Pilate. Cette place forme un parvis qui peut avoir 500 pas de longueur sur 460 de largeur. les murailles de la ville ferment ce parvis à l'orient et au midi. Il est borné à l'occident par des maisons turques et au nord par les ruines du prétoire de Pilate et du palais d'Hérode. 12 portiques, placés à des distances inégales les uns des autres et tout à fait irréguliers comme les cloîtres de l'Alhambra, donnent entrée sur ce parvis. Ils sont composés de 3 ou 4 arcades et quelquefois ces arcades en soutiennent un second rang, ce qui imite assez bien l'effet d'un double aqueduc. Le plus considérable de tous ces portiques correspond à l'ancienne Porta Speciosa, connue des chrétiens par un miracle de Saint-Pierre. Il y a des lampes sous ces portiques. Au milieu de ce parvis, on en trouve un plus petit qui s'élève de 6 à 7 pieds, comme une terrasse sans balustre, au-dessus du précédent. Ce second parvis a, selon l'opinion commune, 200 pas de long sur 50 de large. On y monte de 4 côtés par un escalier de marbre. Chaque escalier est composé de 8 degrés. Au centre de ce parvis supérieur s'élève la fameuse mosquée de la Roche. Tout auprès de la mosquée est une citerne qui tire son eau de l'ancienne fontaine scellée et où les Turcs font leurs ablutions avant la prière. Quelques vieux oliviers et des cyprès clairsemés sont répandus çà et là sur les deux parvis. Le temple est octogone. Une lanterne également à 8 faces et percée d'une fenêtre sur chaque face couronne le monument. Cette lanterne est recouverte d'un dôme. Ce dôme était autrefois de cuivre doré, il est de plomb aujourd'hui. Une flèche d'un assez bon goût, terminée par un croissant, surmonte tout l'édifice, qui ressemble à une tente arabe élevée au milieu du désert. Le père Roger donne 32 pas à chaque côté de l'octogone, 252 pas de circuit à la mosquée en dehors et 18 ou 20 toises d'élévation au monument entier. Les murs sont revêtus extérieurement de petits carreaux ou de briques peintes de diverses couleurs. Ces briques sont chargées d'arabesques et de versets du Coran écrits en lettres d'or. Les 8 fenêtres de la lanterne sont ornées de vitraux ronds et coloriés. Ici, nous trouvons déjà quelques traits originaux des édifices mauresques de l'Espagne. Les légers portiques des parvis et les briques peintes de la mosquée rappellent diverses parties du Généralife, de l'Alhambra et de la cathédrale de Cordoue. Quant à l'intérieur de cette mosquée, je ne l'ai point vue. Je fus bien tenté de risquer tout pour satisfaire mon amour des arts, mais la crainte de causer la perte des chrétiens de Jérusalem m'arrêta. Guillaume de Tyr et d'Ehe disent quelque chose de l'intérieur de la mosquée de la Roche. Le père Roger en fait une description fort détaillée et vraisemblablement très fidèle. Cependant, elle ne suffit pas pour prouver que l'intérieur de la mosquée de Jérusalem a des rapports avec l'intérieur des monuments mauresques en Espagne. Cela dépend absolument de la manière dont les colonnes sont disposées dans le monument, et c'est ce que le père Roger ne dit pas. Portent-elles de petites arcades? Sont-elles accouplées, groupées, isolées, comme à Cordoue et à Grenade? Mais si les dehors de cette mosquée ont déjà tant de ressemblances avec quelques parties de l'Alhambra, n'est-il pas à présumer que les dedans conservent le même goût de l'architecture? Je le croirais d'autant plus facilement que les marbres et les colonnes de cet édifice ont été dérobés aux églises chrétiennes et qu'ils doivent offrir ce mélange d'ordre et de proportion que l'on remarque dans la cathédrale de Cordoue. Ajoutons une observation à ces conjectures. La mosquée abandonnée que l'on voit près du Caire paraît être du même style que la mosquée de Jérusalem. Or, cette mosquée du Caire est évidemment l'originale de la mosquée de Cordoue. Celle-ci fut bâtie par des princes derniers descendants de la dynastie des Omiyades, et Omar, chef de leur famille, avait fondé la mosquée de Jérusalem. Ces monuments vraiment arabes appartiennent donc à la première dynastie des califes et au génie de la nation en général. Ils ne sont donc pas, comme on l'a cru jusqu'ici, le fruit du talent particulier des Maures de l'Andalousie, puisque j'ai trouvé les modèles de ces monuments dans l'Orient. Cela prouvé, j'irai plus loin. Je crois apercevoir dans l'architecture égyptienne, si pesante, si majestueuse, si vaste, si durable, le germe de cette architecture sarrasine, si légère, si riante, si petite, si fragile. Le minaret est l'imitation de l'obélisque. Les mauresques sont des hiéroglyphes dessinés au lieu d'hiéroglyphes gravés. Quant à ces forêts de colonnes qui composent l'intérieur des mosquées arabes et qui portent une voûte plate, les temples de Memphis, de Dendera, de Thèbes, de Méroé offraient encore des exemples de ce genre de construction. Placés sur la frontière de Mezraïm, les descendants d'Ismaël ont eu nécessairement l'imagination frappée des merveilles des pharaons. Ils n'ont rien emprunté des Grecs, qu'ils n'ont point connus, mais ils ont cherché à copier les arts d'une nation fameuse qu'ils avaient sans cesse sous les yeux. Peuple vagabond, conquérant, voyageur, ils ont imité en courant l'immuable Égypte. Ils se sont fait des obélisques de bois doré et des hiéroglyphes de plâtre qu'ils pouvaient emporter avec leurs tentes sur le dos de leurs chameaux. Je n'ignore pas que ce système, si c'en est un, est sujet à quelques objections, et même à des objections historiques. Je sais que le palais de Zéra, bâti par Abdul-Raham auprès de Cordoue, fut élevé sur le plan d'un architecte de Constantinople, et que les colonnes de ce palais furent taillées en Grèce. Je sais qu'il existe une architecture née dans la corruption de l'art, qu'on peut appeler architecture justinienne, et que cette architecture a quelque rapport avec les ouvrages des morts. Je sais enfin que des hommes d'un excellent goût et d'un grand savoir, tels que le respectable M. d'Agincourt et l'auteur du magnifique Voyage en Espagne, M. de Laborde, pensent que toute l'architecture est fille de la Grèce. Mais quelles que soient ces difficultés et ces autorités puissantes, j'avoue qu'elles ne me font point changer d'opinion. Un plan envoyé par un architecte de Constantinople, des colonnes taillées sur les rives du Bosphore, des ouvriers grecs travaillant à une mosquée, ne prouve rien. On ne peut tirer d'un fait particulier une conséquence générale. J'ai vu à Constantinople l'architecture justinienne, et là j'en conviens quelques ressemblances avec l'architecture des monuments sarrasins, comme le rétrécissement de la voûte dans les arcades, etc. Toutefois, elle conserve une raison, une froideur, une solidité qu'on ne remarque point dans la fantaisie arabe. D'ailleurs, cette architecture justinienne me semble être elle-même l'architecture égyptienne rentrée dans l'architecture grecque. Cette nouvelle invasion de l'art de Memphis fut produite par l'établissement du christianisme. Les solitaires qui peuplèrent les déserts de la Thébaïde et dont les opinions gouvernaient le monde introduisirent dans les églises, dans les monastères et jusque dans les palais ces portiques dégénérés appelés cloîtres, où respire le génie de l'Orient. Remarquons à l'appui de ceci que la véritable détérioration de l'art chez les Grecs commence précisément à l'époque de la translation du siège de l'Empire romain à Constantinople, ce qui prouve que l'architecture grecque n'enfanta pas l'architecture orientale, mais que l'architecture orientale se glissa dans l'architecture grecque par le voisinage des lieux. Fin de la section 22.